quitté nos boulots. On est parti en voyage, deux sacs sur le dos, un chapeau pour tout bagage. On voulait voir du pays et du pays on en a vu. On est parti pour l'Asie, Bali c'était le début. Ubu des cerisières, les chiens et les geckos, la moto et ses galères, les dauphins et les bateaux. Ah oui, parlons du bateau pour aller à Guilière. Des creux de 3 mètres de haut, même l'équipage n'était pas fier. Heureux qui, comme nous, a fait un beau voyage et qui revient chez lui, la tête dans les nuages. Ah oui, c'était bien, à quand le prochain? Ensuite, il y a eu le Tibet, qu'on a traversé en jeep. Le yak a varié, les paysages magnifiques. Jomo Longma et puis le mont Kailash, Danny Trudy Herman et les chiottes dégueulasses. Et puis y a eu la Chine, ce pays surpeuplé. On a goûté leur cuisine, mais pas les insectes séchés. Crachés par les forts, ça nous a dégoûté. Les moines leur montrent en or, les bus tout déglingués. Heureux qui, comme nous, a fait un beau voyage et qui revient chez lui, la tête dans les nuages. Ah que c'était bien, à quand le prochain? Thaïlande, Aurélie nous a rejoint. Fini la bulle et la glande, en avant le guide en main. Les balades à vélo et le caca pourri. Bangkok, le bateau, le ciné, le palais, les marchés, le nord, les villages, le craton, les crocs, le sucre, taille, tendon, les patins, les copipi, les ronfles, les patins, les moustiques, mouches qui piquent. Merci Aurélie, merci. En Cambodge, on est passé voir encore et ses temples. Quelques bleds bien paumés, Paris, tu nous manques. Heureusement, y'a Phnom Penh, baguette, croissant, café, le visa à l'indienne, mais nos affaires volées. Heureux qui, comme nous, a des amis précieux qui nous ont soutenus quand on était malheureux. Grand merci à vous, c'est vraiment trop chaud. Arrivé à Delhi, c'est quoi ce bordel? Des vaches, des rickshaws, des bouses, des poubelles. Le nord de l'Inde, c'est trash, Benares, c'est Zarbi. T'as toujours la chiasse, des corps crament jour et nuit. On a fait l'Inde du Sud, Bombay, le Kerala. Dans les trajets en bus, on a cru mourir mille fois. On a pu se mettre en maillot et se baigner à Markala. À Pondi, c'était chaud, Merzine était là. Heureux qui, comme nous, a fait un beau voyage et qui revient chez lui, sans doute un peu plus sage. Ah que c'était bien, à quand le prochain?